C'est la folie, un petit sang pour les alcooliques, pour ce qu'ils aiment reliquer, prêt à te faire une guérilla. Quand je suis gazé, je crois que je rêve, j'évite tout le monde, j'irai chez moi. Je t'ai croisé, j'étais dans les restes, mon frangin t'as parlé chinois. Regarde tout droit, jamais dans le dos, j'sais d'oublier toutes mes balafres. J'suis capuché même quand il fait beau, pour que j'arrête la zig, faudrait qu'on m'attache. Rapta, j'dis pas ce que j'pense pas, dans le ghetto, nanana. Ma toute c'est sur la moto, nanana. Mentalité toto, nanana. C'est la plus belle du secteur, ça, nanana. T'allais tout donner pour elle. Elle te disait qu'elle t'aimait. Elle sort plus de ta cervelle. Va falloir abandonner. Abandonner. Abandonner. Abandonner. Abandonner. T'allais tout donner pour elle. Elle te disait qu'elle t'aimait. Elle sort plus de ta cervelle. Va falloir abandonner. Abandonner, abandonner, abandonner, abandonner. Elle est belle, elle m'ensorcelle. Avec elle, je m'en vais ailleurs. Et si y'a un truc demain, ça pète. Tu trouveras pas beaucoup de variants. Y'a des loups dans la zone, j'passe les vitesses. Que ça conduit en état d'ivresse. Ça veut baiser des tigresses. Se rejoint qu'elle bouge ses fesses. Trop les dents, ça veut se faire un tabac. Et quand ça prend des 20 ans, c'est pas pour nada. Le frérot travaille réglo, mais s'il faut y tirer dessus. J'ai trop donné ma confiance, j'ai trop souvent fini déçu. J'ai donné dans ma ville pas un chat et lessive. Oui j'aime bien quand ça sent la lessive. Ça veut jouer, ça a pas le level. Sur la grammaire à Yves. C'est le parrain dans le ghetto, nanana. Patrick c'est sur la moto, nanana. Mentalité toto, nanana. C'est la plus belle du secteur, ça, nanana. T'allais tout donner pour elle. Elle te disait qu'elle t'aimait. Elle sort plus de ta cervelle. Va falloir abandonner, abandonner, abandonner, abandonner, abandonner. C'est le parrain dans le ghetto, nanana. Pas tout c'est sur la moto, nanana. Mentalité toto, nanana. C'est la plus belle du secteur, ça, nanana. T'allais tout donner pour elle. Elle te disait qu'elle t'aimait. Elle sort plus de ta cervelle. Va falloir abandonner, abandonner, abandonner, abandonner.